Alors, puisque Dominique Barbier nous a rejoint à l'instant et on t'en remercie, puisque on sait que tu arrives directement de ton travail de monteuse, de ta salle de montage, absolument. Et ne t'en fais pas, parce que de toute façon, on peut préparer. Après, ça prend toujours des formes différentes. Donc, mais absolument. Et justement, la question qu'on aura envie de te poser, mais c'est dans l'enchaînement de la prise de parole, évidemment, d'Anne-Marie Martin, c'est finalement, quelle a été la place spécifique de la vidéo, selon toi, dans le contexte des conflits LIP, et en l'occurrence plutôt du premier, puisque il faut que tu rappelles ta position, ton engagement au sein des Cahiers de Mai, et peut-être que tu racontes aussi donc ton rôle dans la commission cinéma, bien sûr, et puis surtout la place de la vidéo et peut-être ta rencontre avec le groupe Vidéaout et en particulier Carole Roussopoulos, dont on verra des extraits et ça servira comme ça de débat aussi pour évoquer cette question de la spécificité de l'action vidéo. Effectivement, moi j'ai découvert la vidéo au moment du conflit LIP parce que je venais du long métrage. J'étais stagiaire et juste avant, j'étais à la fac de Nanterre. Donc en fait, quand je suis arrivée chez LIP, je suis arrivée pour une semaine chez LIP avec les gens des Cahiers de Mai, dont je faisais partie. On en a peut-être déjà un peu parlé. Et quand j'ai traversé la passerelle, j'avais l'impression que j'étais à Nanterre parce qu'il y avait des affiches aussi. Mais en fait, c'était le monde ouvrier transposé. Donc il y avait d'un côté les luttes étudiantes, auxquelles j'avais participé, puis là, subitement, il y avait une transposition dans le monde ouvrier. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant, et j'étais venue pour une semaine, je suis restée un an. C'est-à-dire que, je suis obligée de revenir un peu au début pour expliquer comment aussi les gens des Cahiers de Mai, en fait, ont été acceptés dans le cadre de la lutte, parce que c'est assez spécifique. Peut-être que Dominique Dubosc en a déjà parlé. Je raconte ça à ma façon. Donc au départ, nous sommes arrivés pour faire l'Ipunité, le journal, puisqu'effectivement, une de nos spécificités, c'était de faire un journal qui était donc les Cahiers de Mai, qui était, on va dire, un groupe de militants regroupés autour de ce journal avec Daniel Anselme, qui était un peu le maître à penser de ce groupe. Et donc on est arrivé chez LIP pour plutôt aider à fabriquer le journal. Et ensuite, petit à petit, Dominique a fait le goût du collectif. C'était LIP 1. Bon, je ne sais pas. Alors là, moi, je n'ai pas pris les notes. C'était les premiers films LIP. Alors, je ne vais pas trop parler des films Dominique parce que je sens que je vais m'embourber. Alors, donc, en fait, il y a des films qui se sont faits. Enfin, LIP attirait énormément de monde. Il y avait plein de militants, plein de cinéastes, etc. Et petit à petit, en fait, on s'est retrouvés avec Carole et Paul Roussopoulos, qui sont arrivés avec un outil totalement magique, que Carole, d'ailleurs, avait acheté avec Jean Genet. Déjà, c'est un peu, mythique. Donc, moi, je venais encore une fois du long métrage, donc pellicule 16 mm, ça veut dire laboratoire, développement, etc. Et on était complètement fascinés par ces petites caméras qui aujourd'hui ne sont pas très petites, pas petites du tout, mais qui permettaient de filmer et de, sans aucun développement, de revoir immédiatement ce qu'on avait filmé. Donc très vite, en fait, moi j'ai sympathisé avec Paul et Carole. Et comme je viens de le dire, j'ai habité avec les ouvriers de chez LIP, c'est-à-dire que nous étions 4 militants à participer à la lutte en interne. Et comme je me retrouvais à habiter à Besançon, Carole m'a laissé son matériel et j'ai été amenée à filmer au quotidien, on va dire. C'est-à-dire que finalement, l'idée, c'était... La vidéo, c'est un outil d'information et donc instantané. Il y avait en fait deux utilisations. Il y avait cette utilisation quotidienne qui était de filmer les réunions et de les retransmettre ensuite aux ouvriers qui n'avaient pas pu y assister. C'était plutôt, on va dire, ce que je faisais. Et il y avait aussi les films que faisaient Carole et Paul qui étaient plutôt comme des sortes de portraits sur des gens de la lutte. Alors la question c'était, qui faut-il filmer? Ça c'est toujours la grande question quand on est militant, il faut filmer des gens représentatifs. Alors en fait déjà il y avait le comité d'action, donc ça c'était bien parce que du coup c'était une représentation assez large, c'est-à-dire c'était à la fois CGT, CFDT et en même temps des gens non syndiqués. Et alors je parle du travail de Carole, je sais pas, enfin... Mmh. On verra des extraits après. En tout cas, c'est bon. Donc Carole et Paul, eux, en fait, contrairement à nous, les gens des cahiers, ils étaient moins stricts. C'est-à-dire, nous, on disait, il faut changer la société. Et puis après, par exemple, les problèmes des femmes, la lutte féministe, ça viendra après. Donc il y a une époque où moi, j'ai cru ça. Et après, j'ai un peu changé d'avis quand même. Et du coup, par exemple, Carole, elle allait donner la parole à Monique Piton. Et voilà, alors peut-être je finis, puis après on pourra passer un extrait du portrait de Monique. Alors la question, c'était de savoir, est-ce que c'était représentatif? Mais alors, en fait, on disait aussi, il faut donner la parole. Mais donner la parole, c'est bien de donner la parole à des gens qui savent parler. Donc pourquoi Monique Piton s'est retrouvée en avance? C'est parce qu'en fait, elle avait la tchatche, elle savait parler, etc. Donc la question qui se pose aussi dans ces conflits, enfin dans ces vidéos militantes, c'est de dire à qui on fait parler. Est-ce qu'on va faire parler tout le monde? Enfin, il y a une sorte de pseudo-démocratie démagogique qui consiste à donner la parole à absolument tout le monde. Mais malgré tout, il y en a qui s'expriment mieux que d'autres, donc qui étaient sur le devant de la scène. Vous me dites quand vous voulez la faire non, mais passer, c'est parce que continue, moi je continue sur Monique. La machine suivante. La machine va suivre. Alors, donc, pour du coup, j'ai perdu le fil. Oui, donner la parole, ça, c'était la grosse question de cette époque, enfin, qui me semble parfaitement juste, et de faire en quelque sorte une contre-information aussi, parce que par rapport aux médias, par rapport à la télévision. Et il y a aussi le fait que. Qu'être filmé, en fait, on peut dire la caméra révèle. C'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui, c'est la télé-réalité qui va s'en servir, mais il y a un phénomène qui consiste, ça c'était trouver le surgissement de la parole. Et je trouve que ça, c'est très beau. Enfin, récemment, j'ai vu le film La saga des Conti, et moi, je me dis, finalement, il y a toujours ces questions-là dans les grèves, et c'est entre autres pour ça que c'est quand même assez passionnant, c'est que ça révèle des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auparavant ne parlaient pas, enfin il y a plein de gens, il y a des femmes qui n'avaient pas la parole parce que les syndiqués, la plupart du temps, c'est des hommes. Et moins on parle, moins on sait parler en public. Et du coup, enfin, j'ai vu ça aussi chez les Contis, c'est-à-dire qu'une lutte, ça permet quelquefois de prendre son essor. Enfin, ça révèle les gens et la caméra, ça révèle aussi, enfin, comme dit Jean Rouch, hein, Jean Rouch... Quand il a filmé les tambours de Tourou et Betty en un chargeur de 11 minutes, une cérémonie de possession au Niger, la cérémonie a continué parce qu'il filmait. Donc il y a cette sorte d'interaction entre la personne qui filme et la personne qui est filmée. Et je trouve que c'est un peu ce qui se passait avec Monique. Non pas qu'elle ait été, enfin il y a peut-être un petit côté, on est en représentation, mais en tout cas, ça lui permettait de s'exprimer sur des choses que sans doute elle n'avait pas dites auparavant, et notamment les questions des femmes. Et c'est pour ça que je dis que Carole et Paul étaient, entre guillemets, plus en avance que nous, parce que pour eux, ce n'était pas des thèmes secondaires. Alors que nous, encore une fois, au cahier, on disait plutôt, bon, ce qui est important, enfin, c'est de changer la société, le côté mixte, etc. Quoi, enfin... Alors que, et de ne pas se perdre dans des thèmes qui pourraient paraître comme moins importants pour la lutte, bon, secondaire, on va dire. Et en fait, au final, c'est l'inverse, parce que la leçon de mai 68, c'est quand même de dire l'intime est politique. Donc l'intime est politique, ça veut dire que les femmes qui parlaient d'elles, et du fait qu'elles ne faisaient plus la vaisselle, et que c'était peut-être leur mari qui était obligé de la faire, ça, c'est aussi du politique. Je suis obligé de partir, je suis désolé. Je voudrais juste, sur ce point-là, dire une petite chose qui me revient, tu me le rappelles, à propos du 16 et de la vidéo. C'est une petite notation. Je me souviens qu'à l'époque, c'est une réflexion annexe vraiment, mais très précise là-dessus. on se disait, quand on filme en 16, on va plutôt filmer des gens, c'est pas simplement qu'ils sont représentatifs, mais qui ont en quelque sorte préparé leur discours. Quand on déclenche la caméra devant un gars qui est au micro et qui fait un discours, c'est tout bon. Tandis que si il faut attendre le surgissement de la parole, eh bien, il faut envoyer pas mal de pellicules et la vidéo était mieux armée pour ça. Donc et pour des raisons, tu dirais, financières et enfin, économiques d'une certaine manière, principalement. Mais c'est lié au médium, c'est plus important que ça. Et ce qui était formidable, pour moi, quand j'ai monté la partie sur les stages, ce qui m'a beaucoup frappé à l'époque, c'est qu'il y avait des gens là qui étaient autour de la table, qui n'étaient pas que Piaget ou Vito, etc., et qui s'exprimaient. Tout à coup, une fille là disait quelque chose, un autre, qui n'étaient pas des gens particulièrement connus dans la lutte. Et c'est de ce surgissement de parole que vient plus tard une sorte de synthèse que va faire Piaget. Mais si vous voulez, en 16, on aurait eu tendance à filmer que la synthèse de Piaget. Tandis que là, on avait tout ce surgissement. Et ça, c'était la vidéo. La vidéo le faisait mieux. Cela dit, on aurait pu aussi, il y a l'école canadienne, etc., ils filmaient bien la parole et tout. C'est aussi nos limites. Hein. On avait tendance à filmer le discours. On aurait pu aussi filmer autrement. Mais enfin, il faut mettre les chargeurs. Hein. Non, mais je crois que tu as raison. Mais il y a des contre-exemples. Hein. Bientôt, j'espère, de Chris Marker. C'est pas que, c'est sur Yo-Yo, là, le syndicalisme. Mais c'est pas que sur lui. Il y a aussi des réunions. Oui. Je pense qu'en 16, il y a aussi des films qui pouvaient être faits. Bah, je te dis, l'école canadienne et tout ça, puis Rouge. Bien sûr. Justement, c'est la première fois, là aussi, peut-être, je crois, dans le séminaire qu'on parle de Rouge, c'est Tourou et Biti, ce type de les film. Les tambours c'était, d'avant, c'était une, oui, c'était une référence que, bah, qui avait fait, en tête un peu, ou c'est après coup que vous relisez ça comme ça, c'était vécu, mais sans y penser, comme dans la suite de... Je crois que c'est un peu spontané, mais en fait, on se réclamait quand même du cinéma direct. Hein. De toute façon, c'était l'idée de, il y avait, enfin, c'est l'idée du plan séquence. Je ne sais pas si vous en avez parlé aussi, parce que salut Dominique, je t'appelle. Salut. Parce que comme il n'y avait pas de matériel de montage, de toute façon, on tournait en plan séquence. Et la grosse différence avec Rouge, c'est que ce n'était pas un chargeur de 11 minutes, mais c'était des bandes de 30 minutes. Alors, ça donnait quelquefois un peu des catastrophes. Mais on disait qu'il faut faire du tourné-monté, parce qu'on n'avait pas de matériel pour couper les bandes. On n'a pas même parlé aussi. J'imagine, vous en avez déjà discuté, je ne vais pas trop redévelopper ça. Mais enfin, moi, je considère effectivement, c'est peut-être un peu après coup, c'est sûr, après on revisite les choses, mais qu'on est dans la tradition du cinéma direct, je dirais même un peu le cinéœil de Vertov, enfin ça c'était plus tard, mais il y avait la paluche par exemple, enfin, c'est toujours l'idée d'une sorte de grossissement du réel, et encore cette idée de un peu, ça fait voir des choses qu'on ne voit pas sans la caméra.